cesse de bouger, de s'affoler. Il court en tous sens et la jolie fait que se marrer. C'est vrai qu'il court à pleine vitesse sans jamais s'arrêter. Vers les beaux avec adresse pour surtout ne pas tomber. Et elle, ça l'épuise. Tout ce vent déplacé, mais pour qu'elle vise. Elle les observe bien sagement assise. Mais le temps de leur nez, pas assez concilié. À pied joint dans la transe, il s'agit de sans rien comprendre. Que d'avancer pour ne pas tomber, c'est une idée bien tentante. Mais que de tomber dans la pente, ça permet de redescendre. Et elle, ça l'épuise. Tout ce vent déplacé, mais pour qu'elle mise. Elle les observe bien sagement assise. Mais le temps de leur nez, pas assez concis. C'est concis.